Le colloque international consacré aux 70 ans de la fondation de l'université Kim Il-sung aura lieu les 29 et 30 septembre de l'an 105 du Juche 2016 sous thème « Le développement scientifique et le progrès social ». Y prendront part les enseignants et scientifiques célèbres coréens et de divers pays du monde. On y présentera des réalisations de recherche dans divers secteurs tels que la science sociopolitique, la science économique et financière, la littérature, l'histoire, la linguistique, les mathématiques, la physique et la science de vie.